Ainsi se termine cette nuit de la médecine, au cours de laquelle nous avons pu suivre un médecin malgré lui, en tout cas une version mise en scène par Jean Meyer en 1950 sur la chaîne nationale de la pièce de Molière, une tribune de Paris consacrée à la santé des citadins et des ruraux, une émission de Pierre Dac et Francis Blanche, Le Parti d'en rire. Nous avons rencontré Nathalie Reims pour son livre Les Reins et les Cœurs, publié chez Léo Cher. Nous avons aussi rencontré Fanny Guéral pour un autre livre, Médecine deuxième année, sous-titré Amour, colloque et stéthoscope, publié chez Rajot. Et puis une émission sur la médecine coloniale En Marche, une matinée des autres consacrée à la médecine verte et encore une autre tribune de Paris et puis à l'instant ce Knock avec Serge Reggiani. Stanis Perret, c'est en votre compagnie que nous avons commencé cette nuit de la médecine et pour cause parce que vous êtes quand même tout à fait dans le sujet. Vous avez publié une histoire des médecins qui paraît en version poche chez Tempus puis le Corps de la Reine, plus récemment, qui vient de sortir chez Perrin. On peut aussi renvoyer à la santé des dirigeants français de François Ier à nos jours, publié au Nouveau Monde. Je vous demandais en début de nuit si vous aviez envie peut-être d'écrire une histoire des maladies, enfin pourquoi pas une histoire non pas des médecins mais de la médecine, pourquoi pas de la maladie mais des malades, etc. C'est envisageable et à ce moment-là le travail de l'historien change complètement ? Pas vraiment, disons que l'histoire des maladies, je dirais que c'est l'histoire de la longue durée d'une lutte, la lutte pour survivre. Nous sommes dans une période où, sans trop caricaturer, beaucoup pensent avoir, jouir d'un capital santé. La maladie apparaît comme un petit peu l'exception. Or, dans les sociétés anciennes, la maladie, c'est la règle. C'est, à la rigueur, le fait d'être en bonne santé et se plaindre de rien du tout qui était exceptionnel. Donc ça impose, quand on se lance dans cette aventure et dans cette découverte, même s'il y a beaucoup de travaux, bien sûr, qui ont été réalisés sur ces sujets, mais dans une vision de cette évolution, comment est-ce que les sociétés anciennes, qui étaient confrontées à des espérances de vie plus courtes, à un accès à des médicaments plus difficiles, peut-être aussi un élitisme médical encore plus fort qu'aujourd'hui, comment est-ce que ces populations, elles ont vécu et elles ont aussi survécu, que ce soit aux grandes maladies infectieuses, aux grandes épidémies, avec là aussi une entrée qui est une entrée, je dirais, médicale, mais qui renvoie au sacré, qui renvoie aux politiques et qui renvoie aussi à cette évolution des sociétés. Il y a quand même, me semble-t-il, une grande inégalité presque anthropologique face à la maladie. Et ces inégalités, elles racontent aussi, bien sûr, l'histoire des sociétés, des sociétés anciennes en particulier. Enfin, vraiment, c'est une histoire de la société française, en tout cas du monde entier, du monde antique aussi, que vous racontez dans l'histoire des médecins, Stanis Perret. C'est ça, effectivement. C'est ce qui est passionnant, d'ailleurs, parce qu'on peut s'intéresser... Oui, on s'intéresse à la médecine. La preuve, c'est cette nuit de la médecine. Mais en tout cas, vous racontez quand même vraiment l'histoire d'un pays, de nous, de nos ancêtres, face à la maladie, face aux inquiétudes, face, en effet, à la défiance, parfois. Oui, à la défiance, de la médecine. Mais je crois qu'au-delà de tous ces aspects, je suis tout à fait d'accord, il y a l'histoire de notre corps. Notre corps, c'est un peu notre identité, c'est notre destin. Nous sommes tributaires de ce que nous sommes, de notre apparence, du fonctionnement de notre corps, quand il est en bonne santé, quand il n'est pas en bonne santé, quand il est jeune, quand il est moins jeune. Et je crois que en filigrane de ces histoires, j'ai beaucoup travaillé sur les souverains, j'ai beaucoup travaillé sur la santé, c'est avant tout une histoire du corps. Cette histoire du corps, elle ne demande qu'à se prolonger. Merci Stanis Perret. Ainsi se termine donc cette nuit de la médecine. Philippe Garbi, Jean-Guilain Meige, Hassanem Béchour, Virginie Mourté. Toutes les émissions sont à réécouter en ligne ou à télécharger durant un an sur le site franceculture.fr à la rubrique des nuits de France Culture. Très bonne journée à toutes et à tous et à vous aussi, bien sûr, bien entendu, Stanis Perret. Bonne journée Philippe Garbi. Et on doit dire bonne santé, bien entendu. Bien sûr, la santé, une santé royale. Je ne rêve plus, je ne fume plus, je ne m'aime plus. D'histoire, je suis sale sans toi, je suis laide sans toi, je suis comme une orpheline dans un dortoir. Je n'ai plus envie de vivre ma vie cesse quand tu pars. Je n'ai plus de vie, même mon lit se transforme en quelqu'un. Quand tu t'en vas, je suis